إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous nous réunissons en ce jour, qui est, comme vous le savez, le premier jour du mois de Dhul-Hijja, ce mois immense dont les 10 premiers jours sont les meilleurs jours de l'année. Ces jours durant lesquels il est recommandé pour le croyant de multiplier les efforts dans le bien et dans les bonnes actions. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'œuvre plus pure auprès d'Allah et plus immense en termes de récompense qu'un bien accompli durant les 10 jours du sacrifice. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jours durant lesquels les œuvres sont plus méritoires que durant les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja. Donc tous ces hadiths, ils nous encouragent et ils nous motivent à multiplier les œuvres de bien durant ces 10 jours, afin de tirer profit de ces jours et de se lever en degré auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que pour être bonne et acceptée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces œuvres que tu vas chercher à multiplier, elles doivent avant tout remplir certaines conditions. Car l'objectif n'est pas seulement d'être celui qui fait le plus d'œuvres de bien, mais l'objectif est avant tout que tes œuvres soient les meilleures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre. Non pas celui qui fait le plus d'œuvres, mais celui qui est le meilleur en œuvre. Et les gens de science parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, ont expliqué cela en disant, la meilleure œuvre est celle qui est la plus sincère, c'est-à-dire la plus sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est la plus conforme, c'est-à-dire la plus conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car si l'œuvre est sincère mais qu'elle n'est pas conforme, elle ne sera pas acceptée. Et de la même manière, si elle est conforme mais qu'elle n'est pas sincère, elle ne sera pas acceptée. Donc l'œuvre sincère est celle qui est pour Allah. Et l'œuvre conforme, celle qui est sur la sunna. Et ceci sont les deux conditions pour que tes œuvres soient acceptées. Qu'elles soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles soient vouées exclusivement à lui, et que tu te conformes en celle-ci à ce qu'a légiféré le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À partir de là, tu comprendras qu'il est d'une grande importance pour nous de nous rappeler en ces jours l'importance de ces deux fondements immenses, ces deux fondements qui sont les conditions d'acceptation de nos œuvres. Car celui qui ne remplit pas ces deux conditions, ses œuvres ne seront pas acceptées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me préserver ainsi que vous, de faire partie de ceux qui ne récolteront de leurs efforts que la fatigue et le regret. En effet, combien sont ceux à œuvrer, par exemple, par recherche des compliments des gens, pour être bien vu par les gens? Combien sont ceux à œuvrer pour faire plaisir à leurs parents? Non pas pour Allah, mais pour faire plaisir à leurs parents. Combien sont ceux à œuvrer également pour des biens vils parmi les biens vils de ce bas monde? Et ainsi de suite parmi les mauvaises intentions qui peuvent motiver un acte. Pensez-vous que ceux-ci sont égaux à celui qui œuvre sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne recherchant que sa satisfaction et son agrément? Il ne fait aucun doute qu'ils ne sont pas égaux. Car ceux-là ont des intentions mauvaises qui vont entacher leurs œuvres, alors que celui qui est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala a une bonne intention qui lui permettra de voir son œuvre acceptée et sa récompense décuplée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes frères, que la purification du cœur doit en réalité être notre priorité. Cela est la priorité du croyant. Chacun d'entre nous doit sans cesse surveiller son cœur, et surveiller ses intentions. Il ne faut pas seulement te focaliser sur l'œuvre en elle-même, mais plutôt sur la raison qui motive tes actions. Et si ton cœur est bon et purifié, alors les œuvres de ton corps seront bonnes, inshallah ta'ala. La preuve à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce célèbre hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, n'est-ce pas qu'il y a dans le corps une bouchée de chair qui, si elle est bonne, c'est tout le corps qui est bon. Et si elle est corrompue, c'est tout le corps qui est corrompu. Et ce n'est autre que le cœur. Ce n'est autre que le cœur. Si ton cœur est bon, si ton cœur est purifié, si ton cœur est empli de foi et de sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors les œuvres de ton corps seront forcément bonnes bi-idhnillahi ta'ala. Car tous tes membres se conformeront à l'obéissance à Allah et s'éloigneront des péchés sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne donnes pas d'importance à cela et que tu négliges ton cœur et que ton cœur est mauvais, que ton cœur est corrompu, que ton cœur est rempli d'hypocrisie, d'ostentation et de mauvaises intentions, alors c'est tout ton corps qui sera mauvais et qui œuvrera dans le mal et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. La purification du cœur est donc d'une importance capitale. Et c'est pour cela que j'ai tenu que l'on lise ensemble en ces jours quelques hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la sincérité et de l'intention. Et j'ai choisi pour cela le premier chapitre du livre Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, écrit par Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et il a intitulé ce chapitre Babu l'Ikhlas wa Ihdar al-Niyya fi jami' al-A'mal wal-Aqwal al-Barizati wal-Khafiyya. Chapitre sur la sincérité et la présence de l'intention dans tout acte et parole apparent et caché. C'est ainsi qu'Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a intitulé le premier chapitre de son livre Les Jardins des Vertueux. Ce livre immense dans lequel il a réuni un certain nombre de hadiths, comme il le dit dans l'introduction, afin qu'il soit pour le lecteur un chemin vers l'au-delà, c'est-à-dire un chemin vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis dans l'au-delà. Et médite sur cela, car le choix de l'ordre des chapitres n'est pas anodin. On a dit que les hadiths réunis dans ce livre constituent pour toi un chemin à emprunter afin d'atteindre le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est-à-dire que si tu lis ce livre, tout en veillant à mettre en pratique ce que ces hadiths contiennent comme enseignement, alors tu pourras espérer faire partie des gens du paradis. Et ce chemin vers l'au-delà, par quoi il commence ? Quelle est sa première étape ? Quelle est la première chose à faire pour emprunter ce chemin qui te mène au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala ? La première étape est la purification du cœur, la purification de tes intentions, que tes intentions soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala et que le culte lui soit voué exclusivement. Donc ceci te démontre une fois de plus l'importance de ce sujet qui concerne la sincérité et l'intention. Et la sincérité, al-ikhlas en arabe, désigne le fait de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis un acte d'obéissance, que ce soit une prière, une aumône, un jour de jeûne, une umra, lorsque tu es bon envers tes parents, bienfaisant envers ton épouse, lorsque tu éduques tes enfants et autres parmi les œuvres de bien. Lorsque tu accomplis un acte d'obéissance, tu ne dois rechercher à travers celui-ci qu'à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. C'est cela la sincérité qui est attendue du serviteur. Qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son intention. Qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son amour, dans sa peur, dans son espoir. Et qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala aussi bien en privé qu'en public. Car le vrai monothéiste, le vrai mouahid, celui qui veille à la concrétisation du tawhid, il ne recherche par son adoration que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et à atteindre la demeure des délices qui est le paradis dans l'au-delà. Telle doit être ton intention dans l'ensemble de tes adorations parmi les paroles et les actes. qu'il soit apparent ou caché. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, en vérité ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika lah. À lui nul associé. وَبِذَلِكَ أُمِرْتْ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. C'est cela qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Donc tous tes actes doivent être voués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est par l'intention, par al-niyya, que l'on va distinguer celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala de celui qui ne l'est pas. Et cette intention, elle se trouve dans le cœur. Il est très important de souligner cela. L'intention, elle ne doit en aucun cas être prononcée par la langue, ni pour la prière, ni pour les ablutions, ni pour le jeûne, ni pour toute autre adoration. L'intention, elle se trouve dans le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qui se trouve dans nos cœurs et nos poitrines, et il sait parfaitement ce qui motive nos actes. C'est pour cela que nous devons purifier nos cœurs et lui vouer sincèrement nos intentions. Et Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah a commencé ce chapitre par la mention de trois versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va lire aujourd'hui et expliquer. Le premier verset est le verset 5 de Surat al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône, et voilà la religion de droiture. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a ordonné à l'ensemble de ses serviteurs de lui vouer un culte exclusif et de n'adorer nul autre que lui et de délaisser toutes les fausses religions pour la religion de l'islam qui est la religion de droiture et qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fondement essentiel de cette religion, c'est quoi? Ce à quoi ont appelé l'ensemble des prophètes alayhi salatu wassalam, c'est quoi? C'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tous appelé à l'ikhlas, ils ont tous appelé au tawhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah », c'est-à-dire « Adorez exclusivement Allah » et « Écartez-vous du tarout, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala ». Ceci est le message de l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wassalam. Ils sont tous venus appeler à vous un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à rejeter toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Ceci est donc ce qui nous a été ordonné, mais c'est aussi ce qui a été ordonné aux communautés précédentes, parmi les gens du livre et autres. Et ceci te démontre l'importance d'al-ikhlas dans notre religion. Donc si tu sais cela, tu ne dois pas prendre ce sujet à la légère. Et tu dois être conscient que concrétiser la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala doit être ta priorité au quotidien, dans l'ensemble de tes œuvres. D'autant plus en ces jours dans lesquels tu vas redoubler d'efforts pour essayer de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois faire des efforts avant cela pour être sincère, afin que ses œuvres soient bonnes et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième verset qu'il a mentionné est le verset 37 de Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe concernant les sacrifices et les offrandes, que ce qui est visé par cela, ce n'est pas la viande, la chair ou le sang de ces bêtes qui sont sacrifiés. Lorsque tu fais un sacrifice, la chair et le sang de cette bête sacrifiée n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est al-ghani. Il n'a pas besoin de cette bête, ni de sa chair, ni de son sang. Il se passe de l'ensemble de ses créatures. Mais ce qui atteint Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est pris en considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ta sincérité et ton intention. C'est cela qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à être sincères lors du sacrifice. Que tu ne recherches à travers ce sacrifice que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce rappel est d'une grande importance, notamment en ces jours, car nous approchons justement de la fête du sacrifice, ce jour durant lequel des millions de musulmans vont sacrifier des bêtes. Mais est-ce que tous les musulmans qui vont faire ce sacrifice sont égaux? Ma réponse est non, bien sûr. Ils ne sont pas égaux, pourquoi? Car leurs intentions diffèrent. Certains parmi les gens vont chercher à avoir la plus belle bête, le plus gros bélier, le plus beau, pourquoi? Pour se vanter devant leurs voisins, pour que l'on dise qu'un tel a acheté un beau bélier. Certains vont même se concurrencer en cela. Et pensez-vous que cette intention est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. D'autres, ils achètent le mouton pourquoi? Pour faire plaisir aux enfants. C'est une chose que l'on entend beaucoup. Même certaines personnes parfois qui ont peu de moyens vont dire « Oui mais, il faut que j'achète le mouton pour faire plaisir à ma famille, à mes enfants. » Est-ce que l'intention est bonne ici? La réponse est non. Et ainsi de suite parmi les mauvaises intentions comme ceux qui vont informer du prix de leur bête ou ceux qui vont se prendre en photo lors du sacrifice ou propager leur mouton sur leurs réseaux sociaux et autres. Tout ceci sont des actes qui peuvent porter atteinte à ton intention et à ta sincérité. Cette bête que tu achètes, tu l'achètes pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être sincère dès son achat. Et également au moment du sacrifice. Ne sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas pour te vanter devant les gens, devant tes voisins ou sur les réseaux sociaux ou autres. Car ce sacrifice est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à la sincérité. Et nous informe que ce qui est visé, ce n'est pas cet acte en lui-même. Mais ce qui est visé, c'est l'intention qui motive l'acte. Pourquoi tu vas faire cet acte? Quelle est ta motivation? Que recherches-tu à travers cet acte? Et si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu trouveras auprès de lui une bonne rétribution pour cette action. Le troisième verset qu'il a mentionné est le verset 29 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ » Dis que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Et ce verset est une mise en garde. Allah subhanahu wa ta'ala t'informe qu'il sait parfaitement ce que renferme ta poitrine. Si ton intention est bonne, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et si ton intention est mauvaise, également, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc ceci doit te faire prendre conscience de l'importance de purifier tes intentions et de purifier ton cœur. Et de faire de grands efforts pour vouer l'ensemble de tes actes et de tes paroles à Allah subhanahu wa ta'ala. En t'écartant de toute forme d'ostentation, de recherche des compliments ou autre parmi les mauvaises intentions qui peuvent souiller le cœur du serviteur et lui faire perdre la récompense de ses œuvres. Et il n'y a pas de doute que celui qui œuvre et dont les œuvres sont vaines, alors il n'en récoltera que fatigue et regret, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, Allah a dit, c'est un hadith Qudsi, je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Cette œuvre sera vaine auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois prendre garde à ne pas rechercher à travers les œuvres que tu accomplis pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala les compliments des gens ou les éloges des gens ou d'autres choses qui pourraient te faire perdre la récompense de tes œuvres. Et pour terminer aujourd'hui, j'attire votre attention à ce sujet sur le fait que le diable pourrait se servir de cela pour te faire délaisser les œuvres de bien. Tu dois prendre garde aux ruses du diable. Le diable, son objectif est de t'éloigner du droit chemin. Donc il se peut que lorsque tu souhaites accomplir le bien, il vienne à toi en te suggérant que tu fais de l'ostentation. Tu t'apprêtes à prier, il te dit. Tu te lèves pour prier pour qu'on te voie prier. Tu t'apprêtes à faire une aumône, il te dit. Tu fais cette aumône car les gens te regardent. Il te suggère ces choses-là afin de te détourner des œuvres de bien, pour te décourager. Donc tu dois prendre garde à cela. Il est demandé au croyant de purifier ses intentions, mais il ne lui est pas demandé de délaisser le bien sous prétexte que son intention pourrait être mauvaise, non. Œuvre dans le bien, continue d'œuvrer, même s'il vient à toi et te dit que tu œuvres par ostentation, que tu recherches les éloges ou je ne sais quoi. Ne prête pas attention à ses wasawis, ne prête pas attention à ses suggestions, car c'est le diable qui a suggéré cela dans ton cœur. Donc détourne-toi de ses pensées et persiste à œuvrer dans le bien, tout en veillant à purifier ton cœur de toutes mauvaises intentions. C'est cela qui est attendu du croyant, et on verra, Inch'Allah ta'ala, dans les cours suivants, les hadiths mentionnés par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans ce chapitre, et nous verrons notamment, dans le cours de demain, Inch'Allah ta'ala, deux hadiths nous démontrant que la rétribution de nos actes dépend de nos intentions. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous la sincérité dans les paroles et les actes, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, et de nous aider à lui vouer l'ensemble de nos actions exclusivement et à nous rechercher à travers nos actes que sa satisfaction et son agrément. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.